Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 et Futur Simple se poursuit avec une plongée au cœur de la recherche médicale et plus particulièrement sur la sclérose en plaques. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, Maxime Cussic est venu nous présenter cette maladie, la sclérose en plaques. Maxime est étudiant à la maîtrise au laboratoire du docteur Steve Lacroix, qui est directeur de l'axe neurosciences au département de médecine moléculaire de l'Université Laval. Et Maxime est de retour aujourd'hui pour nous expliquer l'objet de sa recherche. Bonjour Maxime. Bonjour Valérie. Alors Maxime, en fait, avant de le rentrer dans le vif du sujet, de l'objet de ta recherche, j'aimerais que tu nous fasses un petit rappel de ce qu'est cette maladie, la sclérose en plaques. Alors la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est neurodégénérative, donc c'est-à-dire là, qu'on va avoir des symptômes qui vont devenir de plus en plus importants sur pas mal tout là, ce qui va toucher les fonctions que le cerveau pourrait avoir, qu'on peut avoir des troubles cognitifs, des troubles moteurs, donc de la difficulté à marcher, de la paralysie. Mais ça peut aussi amener là, de la fatigue, de la douleur chronique. Et c'est des symptômes qui vont être très variables d'une personne à l'autre. Un point là, qui est hyper important aussi à savoir, c'est que la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est auto-immune. Donc, c'est-à-dire là, que les propres cellules immunitaires du patient vont se retourner contre eux, en fait, là, et se mettre à attaquer le système nerveux central, donc le cerveau et la moelle épinière là, qui sert à transmettre l'information partout dans notre corps. D'accord. Et donc ça nous rappelle un petit peu le contexte. Et toi, pour étudier cette maladie-là, tu t'intéresses particulièrement à une molécule qui s'appelle l'interleukine 1-bêta, IL-1-bêta. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, avant de me lancer là, dans le vif du sujet que fait l'interleukine 1-bêta, ouais. Je crois que c'est important que je révise peut-être un peu avec tous c'est quoi l'inflammation, puisqu'au final, quand les cellules immunitaires là, se mettent à attaquer le système nerveux central, bien c'est ce qu'on appelle de l'inflammation. On en vit tous, là, si on pense par exemple à quand on se coupe, bien on peut voir là, une espèce de région rougeâtre autour de la coupure, puis c'est de l'inflammation. Donc, il y a 5 trucs là, qui sont vraiment caractéristiques. Donc, de la rougeur, il y a aussi de l'œdème. Là, on peut voir que ça devient un peu plus bombé. Ouais. Exactement. On va aussi avoir de la douleur. Ça va devenir un peu plus chaud. Puis au final, ça peut causer ce qu'on appelle une perte de fonction. Si on se coupe le doigt, bon, on va arrêter de prendre des items avec, par exemple. Parce que ça fait mal. Au final, on pense que c'est dangereux, mais ce sont tous là, des mécanismes qui sont normaux, c'est des mécanismes de défense contre des bactéries, contre les virus des autres microbes qui pourraient rentrer dans la coupure. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Ben en fait, c'est que, comme vous savez, quand on se coupe, quand il y a des microbes qui rentrent dans notre corps, ben, on a besoin d'un système pour appeler nos cellules immunitaires, puisqu'elles vont se promener un peu partout dans notre corps, mais quand on a une attaque, ben on va vouloir que les cellules immunitaires se rendent à cet endroit-là. Puis, bien entendu, là, nos cellules n'ont pas d'yeux, n'ont pas d'oreilles. Donc, c'est vraiment grâce à des molécules qui vont les attirer à ces sites-là d'inflammation. Donc, lorsqu'on parle là, de la sclérose en plaques, pour finalement y revenir, bien notre fameuse interleukine 1-bêta, bien, c'est l'une de ces protéines-là, justement, que quand il va avoir une attaque là, contre le système nerveux central, bien, l'interleukine 1-bêta, elle va être présente. Puis, non seulement elle va attirer les cellules au système nerveux central, mais aussi elle va leur donner comme... Je veux dire qu'elle leur donne des pouvoirs, là. Ah ouais. Bien entendu, c'est plus complexe, mais elle leur donne la capacité de venir vraiment attaquer le système nerveux central, puis justement de promouvoir là, cette inflammation qui, dans le cadre de la maladie, ben, pas une bonne chose, parce que c'est pas dirigé contre un microbe qui nous attaque, c'est dirigé contre nous, en fait. Donc là, on voit le rôle de cette IL-1-bêta, mais qu'est-ce qu'il faut faire donc, avec cette IL-1-bêta? Faut la bloquer? Faut l'empêcher de jouer son rôle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, mettons, comme en biologie, là, pas mal tout ce qu'on voit, il s'agit en fait d'un équilibre. Donc, dans certaines maladies, comme dans des cancers, notre système immunitaire va être trop bas. Donc, à ce moment-là, on va vouloir l'augmenter, mais dans des maladies auto-immunes, là, la balance, elle est à l'inverse, le système immunitaire, il est trop fort. Donc, à ce moment-là, on va vouloir le bloquer. Il y a plusieurs médicaments qui, en ce moment, permettent de faire ça là, chez la sclérose en plaques. C'est des médicaments qui vont complètement bloquer les cellules immunitaires puis les empêcher de faire leur travail. Donc, oui, dans ce contexte-ci, on les empêche de se rendre là, au niveau du système nerveux central puis d'effectuer les dommages. Mais on les empêche aussi de défendre le patient contre les microbes, contre les autres bactéries qui nous entourent. Donc là, à ce moment-là, c'est moins pratique. C'est pour ça qu'on pense qu'en bloquant une seule molécule, soit l'interleukine 1 bêta, au lieu de bloquer là, tout un pan des cellules immunitaires, ben, on pense qu'on pourrait enfin... avoir un effet protecteur là, pour ces patients-là sans avoir tous ces lourds effets secondaires-là associés. Oui, exactement, sans mettre à mal l'ensemble du système immunitaire, finalement. C'est exactement ça. Ça paraît quand même assez bizarre de réussir à dire l'interleukine 1-bêta joue un rôle dans la sclérose en plaques. Comment on a découvert ça? C'est une excellente question. Il faut savoir là, que... Dans notre laboratoire, chez le docteur Steve Lacroix, on est ce qu'on appelle un laboratoire de sciences fondamentales, c'est-à-dire qu'on s'intéresse surtout à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, comment est-ce que nos cellules immunitaires, notre système immunitaire fonctionne, comment est-ce que ça se passe dans les maladies, sans pour autant là, être nécessairement chez les patients. Donc, nous, on travaille surtout au niveau de modèles animaux. C'est des modèles animaux, là, qui sont c'est des protocoles qui sont régulés par des comités éthiques puis qui ont permis de trouver des médicaments là, qui peuvent aider jusqu'à 2,1 millions de personnes dans le monde qui ont la sclérose en plaques. Donc, ce sont des modèles qui ont été bien... comment je pourrais dire, qu'ils sont approuvés, on sait que ça fonctionne. Puis chez ces animaux-là, en fait, on peut avoir des différents modèles de souris qui sont modifiés génétiquement. Le but de ça, c'est qu'on enlève, par exemple, un seul gène, puis on regarde c'est quoi son rôle sur le développement de la maladie. Et on a utilisé là, une souris qui ne pouvait pas produire l'IL-1-bêta. Ah. Donc, que cette souris-là, elle avait la maladie, une maladie là, qui mime la sclérose en plaques. Mais si l'IL-1-bêta n'est pas là, ben il n'y avait plus de maladie du tout. Les cellules immunitaires n'étaient plus capables d'aller dans le système nerveux central. Et donc, la souris ne développait pratiquement aucun symptôme en comparaison là, à d'autres souris qui peuvent avoir des symptômes assez élevés, quasiment une vingtaine de jours là, après le début de la maladie. Donc, c'est ce résultat-là qui nous a permis de mettre le doigt sur « OK, l'IL-1-bêta, c'est important ». Ah oui. Puis de comprendre encore plus en profondeur comment ça fonctionne. Ah ouais. Donc, on a une souris qui ne produit pas d'IL-1-bêta et cette souris-là ne fait pas de sclérose en plaques. Donc, on dit bah là, l'IL-1-bêta joue un rôle majeur. Exactement, ouais. C'est tout à fait ça. D'accord, pour résumer un petit peu. Donc, et cette IL-1-bêta, j'imagine qu'elle ne joue pas toute seule, elle doit avoir des petites copines pour jouer son rôle. Oui, exactement. Donc, tu sais, c'est IL-1, mais c'est une famille qui se rend jusqu'à IL-18, etc. Ah ouais. Donc, il y a énormément de protéines qui peuvent contribuer à la maladie. L'idée, c'est de savoir là, c'est quelle protéine qui est d'abord sécrétée en premier, quelle protéine aussi qui va... Tu sais, quel est son rôle là, dans la maladie. C'est comme un engrenage. Donc, il y a une exactement. Molécule qui va... Donc, il s'agit d'un gros engrenage. Par exemple, on pourrait voir là, la cellule comme une immense machine. Puis, tu sais, il y a plein d'engrenages qui permettent de créer nos protéines au final. Donc, l'important, nous, c'est de savoir quels engrenages sont les plus importants là, dans ce processus-là. Puis, nous, on s'intéresse surtout à comment est-ce que l'IL-1-bêta, là, effectivement, elle va être créée. Donc, on regarde toute la cellule et puis on va essayer là, d'isoler quelques voies, quelques engrenages, si vous me permettez, qui vont permettre de produire cette protéine-là. Puis, on a découvert là, un immense complexe moléculaire. Donc, il s'agit en fait d'une très grosse protéine. Au final, elle a un nom un peu complexe, c'est l'inflammasome. Mais cet fameux inflammasome-là, son but à lui, c'est d'être capable d'activer l'IL-1-bêta. Donc, c'est le dernier engrenage comme... avant d'avoir une IL-1-bêta active qui va venir jouer son rôle dans la maladie. Donc, on était capable d'identifier parmi tout ça ben, un engrenage principal qui, à notre avis, pourrait potentiellement freiner la maladie chez les souris puis ultimement chez les humains. D'accord. Donc là, on a l'inflammasome qui vient activer l'IL-1-bêta et qui ensuite, elle, active le déclenchement de la sclérose en plaques? Dans le fond, il y a... Je dirais qu'il y a un petit bémol important que je vais ajouter. La sclérose en plaques, Admettons, on ne sait pas comment est-ce que la maladie elle est déclenchée. T'sais, qu'est-ce qui fait qu'une personne n'a pas la sclérose en plaques, puis le lendemain, ben la maladie est là. Qu'est-ce qu'on sait, par exemple, c'est que c'est une maladie qui est souvent sous forme cyclique. C'est-à-dire que les symptômes vont apparaître, ensuite ils vont disparaître. Puis on pense que pendant que les symptômes deviennent de plus en plus importants, c'est une fameuse phase inflammatoire. Donc, comme on parlait tantôt avec les cellules qui arrivent et tout ça. Donc, c'est à ce moment-là que l'IL-1 bêta se mettrait à être produite, là, à être activée en plus grande quantité. Puis, c'est au niveau de cette phase-là qu'on veut agir, qu'on veut là, jouer avec l'inflammasome, l'IL-1 bêta et tout ça pour aplatir la courbe, puis réduire les symptômes au niveau des patients. Donc, comment on fait pour agir au niveau de l'inflammasome pour qu'il empêche l'activation en grand nombre de l'IL-1 bêta? C'est une excellente question. C'est ce sur quoi on travaille au laboratoire. En fait, on a établi là, plusieurs expériences une fois qu'on a trouvé notre IL-1 bêta comme le, j'irais, un des responsables majeurs de la maladie. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a utilisé nos fameuses souris transgéniques, mais qui n'avaient pas, tu sais, que l'inflammasome ne fonctionnait pas. D'accord. Donc, on a essayé là, de retirer cet engrenage-là de notre machine, puis de voir si ça fonctionne. Et puis, malheureusement, les souris développent quand même la maladie de la sclérose en plaques. Ben, la maladie qui mime la sclérose en plaques, même si on enlève ce fameux engrenage-là. On enlève l'inflammasome qui est supposé jouer un rôle sur l'IL-1 bêta. Et malgré tout, même en enlevant l'inflammasome, il y a quand même la maladie équivalente à la sclérose en plaques. C'est la souris. C'est en plein ça. Donc là, on s'est dit, ben là, qu'est-ce qui se passe? Notre théorie, ça marchait pas ici, mais là, on s'est dit, vous savez, les cellules immunitaires, on en parle en général, mais il en existe là, plein de différentes familles, chacune un rôle un peu différent. Donc, on a réessayé chez notre fameuse souris, on a retiré l'engrenage encore une fois, mais on a aussi enlevé là, un sous-type de cellules immunitaires qui s'appelle les monocytes. Mm-hmm. Eux autres, leur but, ils se promènent dans notre sang. Puis quand il y a des bactéries qui vont rentrer, par exemple, quand on se coupe, bien, la cellule, elle va sortir du vaisseau sanguin, puis elle va se transformer là, en macrophage. Et son but, ça va être de manger la bactérie tout en, tu sais, en favorisant toujours l'inflammation. Donc, ce type de cellule-là, on l'a aussi enlevé de notre fameuse souris. Puis on a vu à ce moment-là qu'on l'a protégé contre la maladie qui mime la sclérose en plaques. Alors, si on a une souris qui, on enlève juste l'engrenage de l'inflammasome, elle a la maladie, mais on enlève cet engrenage-là, puis les monocytes, elle n'a plus la maladie. Mm. Alors, on sait là, que nos fameux monocytes, ben, ils ont peut-être d'autres engrenages cachés un peu partout qui vont quand même contourner l'inflammasome, puis activer notre fameuse interleukine 1 bêta. C'est ça, ça veut dire que l'engrenage, finalement, il agit, il y a plusieurs dents qui jouent avec d'autres sous-engrenages. Exactement. C'est un mécanisme complexe. Ça arrive là, surtout en science, quand on parle des protéines importantes, il y a plusieurs voies qui mènent à une seule protéine. Là. Ça permet justement de contourner des petits problèmes. Mais là, dans ce contexte-ci, ben pour nous, là, c'est un défi supplémentaire à jouer parce que notre but, c'est d'empêcher ces fameuses cellules-là de contribuer à la maladie. Mm-hmm. Alors, comment on fait pour aller plus loin, pour explorer le rapport entre donc l'engrenage, l'inflammasome et les, je ne me souviens plus comment tu les as appelées, ces fameuses cellules, les monocytes? Exactement. alors, dans le fond, il faut savoir qu'en science, on a différentes façons là, de trouver des réponses. On a ce qu'on appelle des modèles expérimentaux. Là, j'ai parlé du modèle de la souris. On l'utilise parce que ça nous permet d'avoir une réalité un peu plus proche de ce qui se passe chez l'humain que, par exemple, dans des pétris. Mais le problème de la souris, c'est qu'il y a plein de composantes qu'on n'arrive pas à... Comment je pourrais dire qu'on n'a pas le contrôle dessus? Par exemple, juste si je donne l'exemple entre une souris mâle et une souris femelle, bien, elles ne vont pas avoir la maladie de la même façon. Mm-hmm. Donc, il y a plein de variables à prendre en considération qu'on ne peut pas nécessairement contrôler. C'est pour ça qu'on se rend, qu'on veut là, vraiment étudier nos monocytes dans des pétris, donc ce qu'on va appeler in vitro. Dans des pétris, c'est ça, c'est des boîtes plastiques. Oui, exactement, des petites boîtes de plastique. On va mettre nos cellules dedans, on les met là, dans ce qu'on appelle un milieu de culture. C'est un peu comme nos animaux de compagnie. Ouais. On a besoin de leur donner la bonne nourriture, la bonne quantité d'eau et de s'en occuper au final. Donc, on va avoir nos cellules dans des petites boîtes de plastique. Puis à ce point-ci, on peut contrôler les variables une à la fois. Par exemple, les activer avec des différentes molécules qui permettent de reproduire un peu l'inflammation. On peut soit la mettre, soit ne pas la mettre pour juste contrôler cette variable-là. Donc, oui, ça nous a permis d'avoir là, le rôle précis de certaines molécules, mais bien entendu, il faut se rappeler que c'est pas comme chez une souris. Il y a plein d'autres variables qui viendraient jouer dans le processus là, de la maladie au final. Donc, c'est vraiment en mettant nos monocytes dans un pétri comme ça qu'on a pu se rendre encore plus loin pour avoir là, d'autres réponses. D'accord. Et alors, je me projette encore plus loin. Mettons que là, vous réussissiez à obtenir des réponses de ce qui se passe dans un pétri. Est-ce qu'après, on veut le vérifier dans l'animal, dans la souris? Bien entendu. C'est même nécessaire là, de le faire. Admettons, je veux appeler demain matin Santé Canada pour leur dire « Ah, j'ai une nouvelle idée de traitement. » Bien, c'est nécessaire d'avoir démontré que ça fonctionnait chez la souris. Justement, vu qu'en in vitro, il y a plein de variables qu'on va pas venir calculer, bien, c'est important là, d'avoir un modèle qui reproduit un peu plus ce qui se passe chez l'humain. Donc, avec nos monocytes, effectivement, oui, notre but, c'est de trouver c'est quoi ces autres engrenages-là qui permettent d'activer l'interleukine 1 bêta sans qu'on ait l'inflammasome. Mais une fois qu'on va avoir identifié quels sont ces fameux engrenages, bien, ça va être important là, qu'on aille confirmer chez la souris qu'en bloquant ces fameuses protéines-là, on peut soit utiliser nos fameuses souris transgéniques, mais on peut aussi leur donner là, des molécules qui vont venir bloquer ces choses-là, un peu comme on le ferait avec un médicament. Bien, si on réussit à empêcher la maladie de progresser chez ces souris-là, ben à ce moment-là, on aurait là, un médicament qui serait plus prometteur pour les personnes atteintes de la maladie. Ça, j'imagine que c'est dans une perspective assez difficile à quantifier. Oh oui, dans très, très, très longtemps, là. Mais aussi, une autre question qui me vient, quand on fait les recherches au niveau de la boîte de pétri, donc on détermine mieux un petit peu ce qui se passe au point de vue moléculaire. Est-ce que ça permet aussi de préciser les expérimentations qu'on va faire sur les souris pour limiter l'usage aussi des souris? Parce qu'il y a des protocoles quand même éthiques pour ne pas utiliser les souris à tout va. Vous avez marqué un excellent point. Oui, c'est nécessaire là, de diminuer le plus possible les expériences qu'on va faire sur les modèles animaux. Fait que bien entendu, c'est vraiment une bonne chose qu'on puisse aller dans des pétris ou même des fois des analyses informatiques. Mm-hmm. Mais ça, je dois admettre, ça s'applique un peu moins là à ma recherche ici. Mais effectivement, notre but en allant chez le pétri, c'est qu'on peut, mettons, j'ai par exemple une liste de plusieurs milliers de protéines qui pourraient venir activer l'IL-1-bêta qu'on va découvrir là à l'aide d'analyse. Mais si on veut réduire cette liste-là, on va pas directement aller chez la souris, sinon... Ben, il y a tellement de choses à contrôler de un qu'on n'aurait pas de bonne réponse, mais aussi on va vouloir là, réduire le nombre d'animaux utilisés. Donc, effectivement, c'est vraiment au niveau des boîtes de pétri qu'on va pouvoir, par exemple, tester, je sais pas moi, une dizaine de molécules, puis voir, OK, la molécule 4, 8, puis 9. Ben, c'est eux autres mes bons candidats. Donc, au lieu d'en tester une dizaine chez la souris, on va en tester que deux ou trois pour avoir là, notre réponse. Bien, merci beaucoup, Maxime, de nous avoir fait plonger comme ça au cœur de la recherche. On s'y est presque cru dans le laboratoire de recherche avec les boîtes de pétri, puis les souris, les molécules. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait plonger au cœur de ton projet de recherche. On voit aussi combien c'est complexe hein, de découvrir les mécanismes moléculaires qui mènent au développement de maladies. Et bien sûr, ben, on te souhaite de découvrir la molécule clé qui permettra de débloquer le développement de la sclérose en plaques. Merci beaucoup. J'espère pouvoir vous donner les réponses lors d'une prochaine entrevue. Ah bon, on aimerait bien. Mais j'ai peur qu'il faille attendre quand même un certain temps. Puis j'espère que tu vas revenir quand même au micro avant. Ah oui, bien entendu, j'aurai d'autres sujets à parler avant d'avoir trouvé ma réponse. Parfait. Donc, merci beaucoup, Maxime. Ça me fait plaisir. Je rappelle que Maxime est étudiant à la maîtrise au doctorat de Steve Lacroix, qui est directeur de l'axe neurosciences au département de médecine moléculaire de l'Université Laval. C'est tout pour aujourd'hui, mais ce n'est pas tout pour cette année. Futur Simple sera là, lundi prochain, le 26 décembre. On parlera de distances interstellaires et de flocons de neige. Et d'ici là, je vous souhaite à tous et toutes un joyeux Noël. Et maintenant, dans quelques minutes, je vais céder l'antenne de CKRL 89.1 à Calypso le Moine pour En aparté.